Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, une question de fond à la recherche du Titanic. Ou l'histoire de l'expédition Étoile Blanche qui a permis la découverte de l'épave du bateau le plus célèbre du monde. En 1985, une expédition franco-américaine part à la recherche du paquebot dans l'océan Atlantique. Grâce à des moyens techniques innovants et au travail de plus d'une quarantaine de chercheurs, elle parvient à localiser l'épave qui repose par 3800 mètres de fond. Alors, ces explorateurs de mer remontent des images et des objets chargés d'une émotion rare, porteuse de souvenirs d'un voyage et surtout d'un naufrage qui a marqué les mémoires. À peu près 5500 objets ont été remontés à la surface. Certains ont permis d'étudier la structure du bateau, d'autres d'en savoir plus sur ces passagers qui ont vécu l'horreur, l'effroi, le vertige d'une mort annoncée et lente de celle qu'on voit arriver inéluctable. C'est par une nuit glacée d'avril 1912, au large des côtes canadiennes, qu'a sombré le Titanic. Fleuron de la marine marchande anglaise, ce paquebot gigantesque et réputé insubmersible rencontre sur sa route un iceberg fatal. En quelques heures seulement, les milliers de tonnes d'acier disparaissent au fond de l'océan, emportant avec elles les vies de plus de 1500 passagers. Notre invité aujourd'hui, Paul-Henri Narjollet, ancien officier de la Marine nationale. Il a fait partie de la première expédition française d'exploration du Titanic en 1987 à bord du Nautile. Il est aujourd'hui responsable des opérations sous-marines de la société RMS Titanic, propriétaire des droits sur l'épave. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, récit documentaire Gabriel Debray, coordination Christophe Barrère, réalisation David Jacobovies, Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Queenstown, Irlande, 11 avril 1912. Séjour de fête sur le port. Des centaines de personnes ont fait le déplacement et brandissent mouchoirs blancs et chapeaux en direction des derniers passagers qui embarquent sur le Titanic. L'ombre immense du bateau britannique s'étale sur la foule qui s'agite. En tout, ils seront 2200 passagers à bord de ce bateau pour son voyage inaugural. Des personnes de tous horizons, représentant toutes les couches de la société européenne de 1912. On y trouve des célébrités, des familles de la classe moyenne, des ouvriers irlandais en partance pour le rêve américain. Sur le pont du bateau, l'une des passagères se démarque par son élégance. Emmitouflée dans un manteau de fourrure et coiffée de l'un de ses légendaires chapeaux, Molly Brown observe le balai des voyageurs qui embarquent sur les ponts inférieurs. Molly, elle, est montée sur le bateau la veille à Cherbourg, en France. C'est une aventurière, habituée des voyages. Elle est connue pour sa gouaille, son charisme et son engagement humanitaire. Les dimensions du Titanic sont gigantesques. 269 mètres de long, 54 mètres de haut, 46 300 tonnes d'acier. Pour nourrir l'équipage et les passagers, on a embarqué 35 tonnes de poissons, la même quantité de viande, 55 tonnes de légumes, 15 000 bouteilles de bière, 35 000 œufs, 8 000 cigares. Le navire appartient à la White Star Line qui, pour faire rougir ses concurrents, a fait le choix de tout miser sur le luxe. Les salles de bal sont richement décorées, les restaurants proposent les mets les plus fins. Même pour les passagers les plus modestes, le voyage est d'un confort inédit. Les voyageurs de troisième classe peuvent dormir sur des matelas au lieu des traditionnels lits de paille. Mais les places restent chères. Pour s'offrir un ticket de troisième classe, il faut débourser l'équivalent de 2 mois de salaire pour un ouvrier irlandais. Molly Brown, elle, voyage en première classe. Sa cabine est spacieuse et richement décorée. Quant au voyage, il se déroule le plus délicieusement possible entre repas mondains et soirées dansantes. Mrs. Brown n'est pas dépaysée, c'est une femme du monde. Pourtant, dans la haute société, on la connaît pour ses manières, disons, décalées, peu respectueuses des us et coutumes de la haute bourgeoisie américaine. Elle a grandi parmi les classes populaires. Ceci explique cela et en a gardé les traces. Mais si certains commentaires sont moqueurs, jamais Molly Brown ne se laisse marcher sur les pieds. Elle s'est construite toute seule. Devenue riche grâce à un coup de chance, la découverte d'un filon d'or dans l'une des mines de charbon de son mari, elle n'a jamais cessé de travailler ni de militer. Et son argent, elle le met au profit des causes qui lui tiennent à cœur. Le droit des travailleurs pauvres, des femmes, des enfants. Dès les premiers moments du voyage, Molly s'est liée d'amitié avec Miss Stone, voyageuse fortunée qui a décidé de parcourir le monde avec sa gouvernante, Amélie Icard, qui ne la quitte pas. Alors, sur le pont, elles se racontent leurs souvenirs d'Égypte, de Palestine, d'Europe. Leur histoire semble épouser celle de l'Empire britannique. 50 ans plus tard, Amélie Icard se remémore son voyage à bord du Titanic. Pendant 4 jours que dura la croisière éphémère du splendide transatlantique, ce ne furent que fêtes, dîners d'apparat d'un luxe vraiment royal. Toilettes les plus somptueuses, un étalage éblouissant de bijoux et de rivières de diamants dignes d'un faste oriental. À 13h30, le 11 avril 1912, le Titanic est fin prêt pour emmener ses passagers jusqu'à New York. L'arrivée est prévue 7 jours plus tard. Molly Brown, Miss Stone et Amélie Icard jettent un dernier regard vers la Terre. « 73 ans plus tard, 1er septembre 1985, océan Atlantique, environ 500 km au sud-est de Terre-Neuve. » Dans la cale du Knorr, le bateau de Robert Ballard, océanographe américain, le temps commence à paraître long. Ça fait déjà 2 mois que les équipes du Woods Hole Institute et de l'Institut français de recherche pour l'exploration des mers ratissent les fonds de l'océan à la recherche de l'épave du Titanic. C'est Robert Ballard qui est à l'origine de l'expédition. L'océanographe, chercheur au Woods Hole, rêve du Titanic depuis de nombreuses années. Il dispose d'un matériel de pointe en partie financé par la marine américaine. L'US Navy lui a demandé de partir à la recherche de 2 sous-marins disparus en mer dans les années 60 pour déterminer la cause de leur naufrage. En échange de ses recherches, il a obtenu le droit de poursuivre son expédition sur les traces du Titanic. D'après les estimations, ça tombe bien, le navire devrait se trouver entre les 2 sous-marins perdus. Ballard est sûr de son coup. Quelques années plus tôt, une autre expédition de l'US Navy avait repéré l'épave d'un bateau coupé en 2 dans cette zone. Tout porte à croire que ce serait le Titanic. Pour l'océanographe américain, l'expédition est un défi de taille. Depuis la disparition du navire en 1912, nombreuses furent les tentatives de le retrouver, lui et ses trésors. Pensez donc, l'épave renfermerait des centaines de milliers de dollars de bijoux gardés à l'abri dans des coffres-forts. La dernière tentative en date pour le retrouver est celle de Jack Grimm, milliardaire texan, passionné d'épave, qui tenta sa chance au début des années 80, sans succès. En 1982, Bob Ballard décide donc de monter sa propre expédition, qui sera aussi l'occasion pour ses équipes de tester leur nouveau radar latéral, le Scorpio. Dans un documentaire qu'il a réalisé pour la National Geographic, en 1986, Ballard raconte la genèse de cette aventure. Personne ni aucune organisation ne partageait mon rêve. Il en existait des éléments, la technologie, le bateau, le sous-marin. C'était vraiment comme Cendrillon qui allait au bal. Je devais aller chercher les chaussures de quelqu'un et la robe d'une autre et je savais qu'à minuit je rentrerais dans une grosse citrouille, alors j'étais dans l'urgence, ça devait être fait tant que j'en avais le temps. De l'autre côté de l'Atlantique, les équipes de l'Institut français pour la recherche et l'exploitation des mers, plus connu sous le nom d'IFREMER, viennent de mettre au point un nouveau sonar ultra-performant, le SAR. C'est une machine massive qui pèse environ 2 tonnes et permet, en étant tractée par un bateau, d'observer le fond des océans avec une précision jusqu'alors inégalée. Sa technologie permet de révéler des objets de petite taille d'une 20aine de centimètres. Eux aussi doivent tester leur matériel grandeur nature. Les deux équipes ont tout à gagner à travailler ensemble. Elles mettent donc en place un protocole de collaboration qu'elles nomment l'Étoile Blanche, en hommage à la White Star Line, la compagnie qui fit naviguer le Titanic. En juillet 85, Français et Américains montent ensemble à bord du Surwatt qui appartient à l'Ifremer. Les Français, dirigés par l'ingénieur Jean-Louis Michel, ont 21 jours pour explorer 40 hectares de fond à la recherche du Titanic. Avec le SAR, ils ratissent le fond de l'océan. Mais au bout de 3 semaines, les écrans montrent toujours la même couche monotone de sédiments et de boue marine. À contre-cœur, ils doivent passer le relais aux Américains. Les deux équipes embarquent à bord du Knorr, le navire de Robert Ballard. Il reste 10 hectares à explorer sur la zone qu'ils avaient définie. Mais l'équipe du Woods Hole Institute décide tout de même de repasser par l'endroit où les Français avaient commencé leurs recherches. Ballard dispose d'informations secrètes de l'US Navy qui indiquent avec précision l'endroit où reposerait le Titanic. Or, la zone a déjà été explorée au début de la mission. Et si les Français l'avaient ratée lors de leur passage ? L'intuition de Ballard était la bonne. Et dans la nuit du 1er septembre 1985, alors que la mission touche à sa fin, les caméras de National Geographic capturent ce moment historique. Wreckage. Une épave. Dingo. Yeah. Somebody had to go get Bob. Il faut que quelqu'un aille chercher Bob. Ça va lui plaire. On y est. Regarde-moi ça. Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas, mais ça a été fait par l'homme. Il y a d'autres trucs qui arrivent. Celui-là est énorme. Qu'est-ce que c'est ? Ah bon sang, c'est une chaudière. Oui, c'est ça. Fantastique. Sur le moniteur du sonar vient d'apparaître une forme ronde, reconnaissable entre mille. Jean-Louis Michel, le chef de l'équipe française, l'aperçoit le premier. Le cœur battant, il fait tout de suite la connexion. C'est une chaudière. Et elle est identique à celles qui sont représentées dans son ouvrage sur le Titanic, son livre de chevet depuis plusieurs mois. Puis, les chercheurs voient apparaître des hublots, des objets de toutes sortes, et finalement, l'épave entière. Celle-ci est coupée en deux, comme prévu, et autour de chaque morceau s'étale un champ d'objets disparates répandus sur le sable. Dans le poste de contrôle, c'est l'euphorie, comme s'en souvient Jean Jarry, présent sur le bateau. Très sincèrement, moi j'étais au lit. Et soudain, il devait être minuit et demi, la porte s'ouvre et je vois le cuisinier, je me réveille en sursaut, et je vois le cuisinier qui me dit « They found the ship, they found the ship ». So, d'abord, j'ai cru, non pas une plaisanterie, mais dans les jours précédents, on avait cru voir au sonar différents échos qui en fait s'étaient révélés être des accidents de terrain. Donc je me suis dit, oh, ça, ils ont dû encore voir un accident de terrain. Je me suis levé quand même, et là c'était l'euphorie, les gens qui étaient de quart à ce moment-là étaient euphoriques, et ils avaient laissé sur les écrans l'image figée de la chaudière, et effectivement, ça se voyait comme le nez au milieu de la figure, que c'était une des chaudières du Titanic. Mais l'euphorie est de courte durée. Quand Bob Ballard, qui dormait au moment de la découverte, rejoint le poste de contrôle, il sent qu'il doit faire retomber cette joie. L'épave qu'ils viennent de retrouver par 3800 mètres de fond est une sépulture, celle des 1500 personnes qui périrent dans le naufrage. Dans le documentaire Titanic, le chapitre final, diffusé par National Geographic en 2012, il raconte ce sentiment double qu'il atteint à ce moment précis. Deux individus s'exprimaient en moi à ce moment-là. L'océanographe qui était extraordinairement content et excité, et l'être humain qui ressentait tout autre chose. Du remords et l'idée qu'on n'aurait pas dû faire la fête. On était à l'endroit où s'était déroulé ce drame tragique et incroyable. Ballard demande donc à ses équipes d'observer une minute de silence en hommage aux victimes du Titanic. Avril 1912, océan Atlantique, au large de Terre-Neuve. Dans les couchettes du Titanic, la nuit est calme. Le froid perçant eut raison de la résistance de la plupart des passagers qui s'attardaient encore sur les transats. À 23h, le pont est désert et chacun rejoint sa couchette pour la nuit. Depuis le début de l'après-midi, dans la salle de radio du navire, les messages d'alerte se sont multipliés. Des bateaux alentours ont repéré un nombre anormal d'icebergs qui rendent les eaux dangereuses. Pour autant, Edward John Smith, le capitaine du Titanic, reste confiant après tout. Le surnom de son navire n'est-il pas insubmersible ? Un peu plus tôt dans la journée, il a même choisi d'annuler l'exercice d'évacuation préconisé par la marine marchande. À quoi bon s'inquiéter, hein ? Voilà qui ressemble à un stress inutile, se dit-il. Dans le poste radio, les télégraphes en ont assez des messages d'alerte. Alors ils brouillent leurs signaux, occupent les ondes et les empêchent de faire partir les messages des passagers, qui pour beaucoup sont des membres éminents de la société anglaise. Dans sa cabine, Molly Brown peine à trouver le sommeil. Depuis le début du voyage, son anxiété ne l'a pas quittée, car elle a un mauvais pressentiment, et jusqu'ici, son instinct l'a rarement trompée. Peu avant minuit, alors qu'elle vient de fermer les yeux, une énorme secousse la projette hors de son lit. Elle sort immédiatement sur la coursive et interpelle le premier matelot qui passe. Que se passe-t-il ? Tout va bien, madame, tout va bien. Retournez dans votre cabine. Molly Brown est sceptique. On ne la lui fait pas. Non, il n'y avait rien de normal dans ce bruit qu'elle vient d'entendre. En rentrant dans sa cabine, elle décide donc de s'équiper pour le pire. Elle enfile 6 paires de chaussettes, une veste de laine noire épaisse et un manteau en peau de phoque. Elle pense également à glisser $500 pour sa poche et puis le talisman qu'elle a acheté au Caire quelques mois plus tôt. Un médium égyptien qui avait lu dans les lignes de sa main lui avait prédit, je le cite, enfin ce qu'elle rapporte, une catastrophe imminente impliquant de l'eau, des corps et un bateau. Molly préfère donc mettre toutes les chances de son côté. Quand elle ressort de la cabine, tout est calme sur le pont. Un calme étrange, comme ceux qui précèdent les tempêtes. La mer est d'huile, le bateau immobile. Molly se met alors à hurler tous au canot de sauvetage. Grâce à son autorité naturelle, elle parvient à rameuter quelques dames apeurées qui prennent place dans les canots. Elle ne les suit pas, elle non, elle continue à convaincre d'autres passagers de sauver leur peau. C'est alors que deux matelots l'attrapent par le bras et la jettent sans ménagement dans le canot numéro 6 qu'ils mettent à l'eau immédiatement. À son bord, il y a seulement 24 passagers alors que ce canot pouvait en accueillir 86. Quelques secondes après la mise à l'eau de son canot, la panique commence à bord du Titanic. C'est Robert Hitchens, le membre de l'équipage responsable du canot, qui a choisi de le mettre à l'eau si vite, car sa panique est si grande qu'une fois dans l'eau, il perd tous ses moyens. Incapable de ramer ni même de donner aux ordres des passagers, il se met à prier. Il en est convaincu, leur dernière heure est arrivée et prier est la seule chose qu'il leur reste à faire. Molly Brown, elle n'y tient plus, c'est ridicule, pense-t-elle. Tout près d'eux, un mastodonte d'acier est en train de couler, menaçant à tout instant d'emporter leur embarcation vers le fond. Alors, il n'y a pas une seconde à perdre. Elle évince Hitchens, qui se roule en boule au fond du canot et prend la tête de l'embarcation. Son charisme et son optimisme à toute épreuve l'aident à convaincre sans difficulté ses camarades d'infortune de ramer, oui, de ramer de toute leur force. Et voilà le canot numéro 6 qui s'éloigne doucement du naufrage qui se déroule derrière lui. Sauvée, Molly pense aux amis qu'elle s'est fait sur le bateau. Qu'est-il arrivé, par exemple, à Miss Stone et à Amélie, sa gouvernante ? Elle apprendra plus tard, à bord du Carpathia, le navire qui viendra à leur secours, que ses amis font partie des 700 survivants. Un choc effroyable nous jeta hors du lit. Je tremblais. Nous sentions sous nos pas le pont s'incliner vers l'abîme. Les canots de sauvetage furent rapidement descendus Par miracle, Mrs. Stone et moi, nous sommes retrouvés dans la même barque où nous étions une trentaine de personnes. Une fois à l'eau, l'officier nous dit « Ramez fort, vous n'avez que 25 minutes pour sauver votre vie. » Je pris les avirons et ramai avec tant d'énergie que j'en ai les mains en sang et les poignets paralysés. Car il fallait faire vite pour échapper au gouffre immense qu'allait ouvrir le Titanic en sombrant. En moins de 2 heures, il ne reste plus trace du Titanic à la surface de l'eau. Seulement des remous et la marée humaine qui appelle à l'aide, tâchant tant bien que mal de se maintenir hors de l'eau. Des débris de portes en guise de radeaux, mais surtout transit froid, beaucoup en mourront avant même d'être noyés. Sous leurs pieds, le Titanic des mers coule. Son épave ne sera pas approchée pendant plusieurs décennies, comme abandonnée à son tragique destin. Alvin, ici à deux. D'après nos relevés, vous venez de passer au-dessus de la partie avant. Nous vous proposons de mettre le cap sur 280 et d'avancer de 2 à 300 mètres à vous. Atlantis 2, nous sommes sur le Titanic, à vous. Alvin, nous avons compris que vous avez trouvé le Titanic, à vous. Bien reçu, nous sommes au pied. Il semble que nous soyons près de l'arrière de la partie centrale. ...1986, à bord du sous-marin Alvin de la marine américaine. Les équipes de Robert Ballard retiennent leur souffle. Devant eux, à travers les hublots du sous-marin, vient d'apparaître l'épave la plus célèbre du monde. Recouvert de rouille et d'algues accumulées au fil des décennies, le Titanic est encore plus majestueux que dans leur imagination. Après la découverte du navire l'année précédente, ils ont décidé de mener une nouvelle expédition pour visiter l'épave. Et ils disposent d'un nouveau matériel. Le sous-marin Alvin donc, accompagné du robot Jason. Grâce à cet appareil exploratoire, piloté depuis le sous-marin, Les équipes du Woods Hole Institute parviennent pour la première fois de l'histoire à prendre des images de l'intérieur du Titanic. Le grand escalier qui menait à la salle de bal de première classe est en mauvais état, bien sûr. 70 ans de vie sous-marine ont eu raison de son bois. Mais au plafond, des luminaires ornés de perles dorées pendent encore. L'exploration sous-marine est un événement mondial, retransmis à la télé par la National Geographic. Elle passionne le monde entier. Malheureusement, un problème sur les batteries du sous-marin oblige Ballard à écourter la mission et à remonter au plus vite, sans avoir pu prendre toutes les photos qu'ils auraient voulu ni récolter d'objets. C'est un coup dur, certes, mais les océanographes ne perdent pas espoir. S'ils ont réussi à pénétrer dans le bateau une première fois, ils savent que rien ne les empêchera de recommencer. Non, il leur faut simplement un peu d'aide. Une aide qui arrivera une fois encore de la France, et plus particulièrement de l'Ifremer, qui possède ce qui se fait de mieux pour explorer les mers, un sous-marin nommé Nautile. ...1987, couloir de l'Institut français pour la recherche et l'exploration des mers à Toulon. C'est donc le Nautile qui a été choisi pour cette deuxième mission d'exploration pilotée par les Français de l'Ifremer. Autour du sous-marin, des dizaines de personnes s'affairent. On vérifie les rivets, la qualité des vitres, des hublots, l'état des hélices. Il faut s'assurer que tout est en ordre avant de le mettre à l'eau, bien sûr, avec trois marins à son bord. Le 25 juillet, les équipes de Jean-Louis Michel retrouvent celles de Ballard à bord du Nadir, un navire français, pour assister à la mise à l'eau du Nautile. Le petit sous-marin jaune, comme auraient dit les Beatles, est taillé pour l'expédition. En 1984, son baptême est célébré en grande pompe à Toulon. Nouveauté encore, avec le lancement vendredi matin à Toulon du Nautile, le dernier né des sous-marins d'exploration scientifique français. Tellement nouveau d'ailleurs qu'il a procédé lui-même à son propre baptême en débouchant la bouteille de champagne prévue à cet effet à l'aide de ses deux bras manipulateurs, vous allez le voir. Il y avait même la télévision japonaise pour assister au baptême du Nautile, un baptême pas comme les autres pour un bateau pas comme les autres. Le Nautile, c'est le dernier cri des sous-marins de recherche océanographique de grand fond. Conçu par l'IFREMER, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, et construit à l'arsenal de Toulon, ce sous-marin, long de 8 mètres et lourd de quelque 18 tonnes, sera doté d'un équipage de 3 hommes qui pourront évoluer jusqu'à 5 jours, et ce, à 6000 mètres sous les mers. Ce Yellow Submarine, le Nautile donc, est équipé de bras mécaniques qui permettent aux chercheurs d'intervenir directement sur le terrain des opérations sans sortir de l'habitacle. Pour compléter son arsenal, le Nautile a son propre robot d'exploration, le Robin. Très mobile et muni d'une caméra, il peut aller explorer les moindres recoins du Titanic et en capturer des images qui sont retransmises au navire resté à la surface. C'est Paul-Henri Narjollet, l'explorateur des mers chevronnées, qui pilote l'engin. L'entreprise est un défi technique. Pas question d'abîmer ni l'épave, ni les objets. Pour réussir leur mission, les scientifiques de l'Ifremer ont équipé leur sous-marin de nouveaux outils. Des ventouses spéciales, conçues pour pouvoir attraper, sans la casser, la vaisselle qui gît par le fond, et des paniers destinés à récolter les objets. La descente vers l'épave dure 2 heures. Pour économiser l'énergie du sous-marin, les chercheurs ont choisi de laisser la gravité faire son travail et c'est donc tout en douceur que le Nautile s'approche de la carcasse du bateau. La visibilité est faible et le suspense est aussi épais que l'obscurité. Et c'est alors que Paul-Henri Narjollet, son équipe et les passagers du Nadir voient apparaître le Titanic dans toute sa majesté. En général, dans le sous-marin, on est toujours en train de parler. Là, pendant 10 minutes, on ne dit plus rien. Et plus personne n'a eu envie de parler. On a tous eu envie de regarder ce qu'on voyait et de penser à tout ce qui s'était passé, si vous voulez, avant. J'ai pensé aux passagers, j'ai pensé aux gens qui se promenaient sur les ponts, mais j'ai pensé aux gens vivant, quand j'étais sur l'épave, je n'ai pas pensé aux gens disparus, au moins ce jour-là, alors que j'y avais pensé quand j'étais en surface. Vous voyez la différence ? Et pour moi, elle est très importante. impossible pour les marins d'oublier ceux qui périrent à bord du Titanic. Alors, à mesure que le robot pénètre à l'intérieur du navire, leur inquiétude grandit. Que faire, en effet, s'ils découvrent un ossuaire géant? On sait, par le témoignage des rescapés du naufrage, que de nombreuses personnes sont restées coincées dans le bateau pendant qu'il a coulé. Leurs corps doivent être alors prisonniers de leur tombe d'acier. Marjolé et ses équipiers gardent leur sang-froid. Un à un, ils récoltent des objets. Méthodiquement, doucement, à l'aide des bras mécaniques du Nautile. Des objets qui seront ensuite exposés dans le monde entier. Pour pouvoir financer cette nouvelle expédition, les chercheurs de l'Ifremer ont dû faire appel à des fonds privés à la condition de leur fournir quelques objets qui pourront être exploités. Depuis sa découverte, l'épave fascine et attise des ambitions économiques. Des compagnies touristiques commencent à organiser des visites de l'épave en sous-marin contre des sommes rondelettes. Ces visites sont réalisées sans ménagement et il ne fait aucun doute que le navire en subira des conséquences irrémédiables. Jusqu'à aujourd'hui, ce sont plus de 10 000 objets qui ont été remontés, des pièces qui émeuvent toutes les personnes qui ont eu la chance de les voir. Comment témoigne ce reportage de France 5 diffusé en 1987. Il aura fallu attendre 75 ans pour les voir enfin à l'air libre, 75 ans pour voir et toucher ces objets qui gisaient par 3800 mètres de fond. Ce plat et cette louche avaient rendez-vous avec l'histoire. Ces lunettes sont restées presque intactes, comme tous les autres objets du Titanic. Elles vont maintenant être traitées scientifiquement pour durer, pour intégrer ce musée du Titanic qui va prochainement voir le jour, un musée itinérant. Dans l'énorme conteneur où sont entreposées les 900 pièces du Titanic se trouvent maintenant des éléments tangibles, des éléments palpables qui pourront peut-être aider les historiens à comprendre ce qui s'est réellement passé la nuit du drame dans les eaux glacées au large de Terre-Neuve. Reste à résoudre ce mystère qui plane depuis 1912. Comment expliquer complètement le naufrage du Titanic ? En 1998, les équipes de l'Ifremer parviennent à remonter un morceau de la coque qui apportera les premières réponses à cette question. Son étude montre que l'acier qui a servi à construire le bateau était en fait de mauvaise qualité. Bon, le métal était riche en phosphore, soufre et oxygène, mais pauvre en azote et en silicium, ce qui le rendait particulièrement cassant à basse température. Or, rappelons-le, l'eau dans laquelle sombra le Titanic plafonnait à -1, -2. Pour autant, il serait faux de mettre la responsabilité du naufrage sur les usines métallurgiques où fut fabriqué l'acier du Titanic. En explorant l'épave, on s'est aperçu en effet qu'il ne s'était pas déchiré, mais plutôt que les joints entre les plaques d'acier avaient sauté. Ce ne serait donc pas la faute de l'acier en lui-même, pas seulement la faute de l'acier, mais celle aussi des rivets qui furent utilisés pour fixer la coque. Afin de respecter les délais de livraison et pallier une pénurie d'acier, les fournisseurs de la White Star Line ont choisi de fabriquer également des rivets en fer forgé. Trop fragiles, ces pièces au rabais auraient cédé et laissé l'eau s'engouffrer dans la coque. Depuis la découverte de l'épave en 1985 par la mission Étoile Blanche, la passion autour du Titanic n'a pas cessé. Une passion qu'on doit aussi, et bien sûr, au film du réalisateur canadien James Cameron. Titanic sort sur les écrans français en 1998. C'est un succès phénoménal, couronné par 11 Oscars. Pour préparer son film, Cameron a choisi les grands moyens. À partir de 1995, le réalisateur a mené plusieurs missions d'exploration de l'épave en personne, grâce à un sous-marin et des robots d'exploration spécialement conçus pour l'occasion. En 2001, il en tire un documentaire, Les fantômes du Titanic, et il en parle sur France 2. Le plus émouvant, ce sont les objets personnels qui gisent encore au fond. On sait aujourd'hui à qui ils ont appartenu, certains à des passagers disparus, d'autres à des survivants. C'est cette émotion que je voudrais faire partager aux spectateurs. Pour tourner ces images exceptionnelles en 3D à 4000 mètres de profondeur, le réalisateur a inventé deux robots téléguidés à fibre optique. Pas un recoin de l'épave ne leur a échappé. Un film techniquement bluffant que la France découvrira en septembre, mais aussi un film testament. Chaque jour, en effet, des micro-organismes rongent l'acier de la structure du navire. D'ici 20 à 30 ans, le Titanic s'effondrera sur lui-même, engloutissant ses derniers secrets. Les jours du Titanic sont donc comptés, menacés par la voracité d'une bactérie bien particulière, l'Halomonas titanicae, prononciation non garantie, une bactérie qui, à mesure qu'elle gagne du terrain, fait disparaître tout ce qui pourrait lever bien des mystères qui entourent encore le Titanic. Bientôt, de ce bateau mythique ne restera plus que le souvenir d'un rêve devenu cauchemar, celui des passagers qui partirent à son bord tenter leur chance en Amérique et qui, à l'image du personnage de Jack dans le film James Cameron, devait penser chacun « Je suis le roi du monde ». Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, le Titanic et l'exploration de l'épave dont nous allons parler avec notre invité Paul-Henri Narjollet. Bonjour. Bonjour. Ancien officier de la Marine nationale, vous avez fait partie de la première expédition française d'exploration du Titanic en 1987 à bord du Nautile. Vous avez été l'un des premiers donc à descendre à 3800 mètres de profondeur pour découvrir et explorer cette épave. Vous êtes aujourd'hui responsable des opérations sous-marines de la société RMS Titanic. Alors, 1987, vous descendez à 3800 mètres et vous arrivez devant l'épave du Titanic. Moi, je voudrais savoir avant tout ce qu'on ressent quand on a eu le privilège de vivre ça. Moi, c'est une émotion très forte parce que on a eu la chance, enfin, moi, j'ai eu la chance avec les deux camarades avec qui j'étais dans le sous-marin, si vous voulez, de découvrir la plus belle partie de l'épave qui est la plage avant. Et bon, on était sur les starting blocks depuis plus d'un an, puisqu'on aurait dû d'ailleurs participer à l'expédition de 1986 avec le Nautile en même temps que l'Elvin, mais pour des raisons financières, ça n'a pas pu être fait. Donc on attendait ce moment. Mais au moment où on est arrivé sur les épaves, c'est d'une forte émotion parce qu'on a reçu en plein visage tout ce qu'on avait appris, tout ce qu'on avait su sur les passagers, sur tout ça. Tout est revenu et pendant 10 minutes, grand silence dans le sous-marin, quoi. Ah, j'imagine. Donc c'est une énorme pièce. Hein. Ah, c'est un très gros bateau. Bon, maintenant on fait des bateaux qui sont beaucoup plus gros, mais si vous voulez, moi j'ai eu l'occasion de plonger sur beaucoup d'épaves dans ma vie. en sous-marin ou en plongée, mais le Titanic est de loin le plus gros. C'est quand même un gros bateau, quoi. Alors, c'est quelque chose d'énorme. 3800 mètres de profondeur. Donc, c'est comme si on faisait 4 kilomètres. Au lieu de les faire devant nous, on les fait, on plonge. Comment s'est passée cette descente? Comment ça se passe, une descente comme ça? Alors, une descente, bon, ça se fait dans le... On économise au maximum l'énergie du sous-marin pour pouvoir rester le plus longtemps possible au fond. Mm-hmm. Donc, on descend par gravité, on a des laisses de descente. On descend dans le noir complet, parce que dès qu'on passe à peu près dans cette zone-là, je veux dire, les 300-400 mètres, on est dans le noir. On est dans le noir absolu à partir de 600 mètres. Il n'y a plus de traces de lumière. Et on descend tranquillement à 1 mètre par seconde. D'ailleurs, enfin, le Nautil est un sous-marin rapide, beaucoup plus rapide que les autres sous-marins de ce type-là, puisque pour descendre à 3800 mètres, on met pratiquement 3800 secondes. Je veux dire, bon, un peu plus, ça fait combien d'heures? On met 1h15, 1h30 au grand maximum. Et pareil pour remonter, d'ailleurs, parce qu'on largue des lestes et on remonte de la même façon. Donc on descend, pendant la descente, on parle de tout ce qu'on va faire, on vérifie tout au fur et à mesure, que tout se passe bien, les communications avec la surface, enfin, etc. Et puis, quand on arrive près du fond, on largue les lestes de descente. Oui. Le sous-marin est passé en flottabilité neutre, c'est-à-dire qu'il est, on met un tout petit peu de positif en général, pour de toute façon, parce que quand on est au fond, et si on arrête tous les moteurs, on remonte très légèrement, donc on remue pas le fond, enfin, puisque c'est un des problèmes, il faut pas remuer la vase au fond ou le sédiment, sinon on perd la visibilité. Bon, sur le Titanic, il y a du courant, donc la question ne se posait pas, mais enfin, on n'en était pas trop sûr, surtout au moment de la première plongée. Alors, pendant la première plongée, que faites-vous? Vous êtes à l'extérieur de l'épave? Alors, on est arrivé, bon, on a détecté on était à peu près à 200 mètres quand on est arrivé au fond. On a très vite, avec le sonar du sous-marin, on a pu détecter, avec l'aide de la surface aussi qui suivait la navigation du sous-marin, donner une indication de la distance. On a vu un écho, on est allé donc vers l'écho et on est tombé, donc on est monté le long de la coque. On savait pas trop exactement où on allait arriver, et puis dès qu'on a découvert, parce qu'on a des gros projecteurs sur le sous-marin, donc, puisque sinon c'est le noir absolu, cette profondeur évidemment, et on a découvert donc la plage avant qui est magnifique, parce qu'on voit les chaînes d'ancre, on voit les treuils qui sont en bronze, et qui sont d'ailleurs toujours brillants, parce qu'ils sont un peu polis par le courant et par le sédiment. Je me souviens très bien avoir lu que ça a été fabriqué à Glasgow, donc en Écosse. Donc c'est des pièces qui sont magnifiques. Bon, l'épave n'était pas intacte, hein, elle avait passé 70 ans dans l'eau, donc il y avait des rambardes qui étaient tordues, il y avait le mât qui était écroulé, enfin il y avait déjà des dégâts, mais quand même elle était très très très belle, quoi. Donc ça c'est la partie avant du bateau, on se souvient qu'il se casse en deux, quasiment en son milieu, c'est ça? À peu près au milieu, oui. Donc partie avant, vous dites, c'est la plus intéressante, à l'arrière qu'est-ce qui se passe? Alors à l'arrière, parce que au moment du naufrage, très vraisemblablement, la partie arrière s'est mise verticalement et beaucoup d'air a été piégé à l'intérieur. Il y avait en particulier tous les frigos, enfin etc. Donc l'épave a commencé à descendre et il y a eu un moment où la pression était telle que l'arrière a probablement implosé. On pense à ça parce que la plage arrière, par exemple, de la partie arrière s'est retournée comme une boîte de conserve. Donc il y a eu, pendant la descente, il y a eu une implosion. Bon, une implosion est toujours suivie d'une explosion, donc c'est pour ça que les ponts se sont retournés et tout est descendu. Donc l'arrière est beaucoup plus abîmé. Ce qui reste bien visible, c'est vraiment l'extrême arrière, où d'ailleurs on a visité, on voit deux des trois hélices à l'arrière, on a pu les voir, cette partie-là qui est beaucoup plus solide que le reste, parce que c'est une partie qui est plus fine, si vous voulez, même type de construction. Donc ça on voit, et puis on voit les moteurs de l'autre côté, les machines alternatives, qui sont des pièces immenses, hein, ça fait 3 ou 4 étages de haut, enfin c'est des grosses machines, et tout le reste entre les deux. Il y avait des tôles verticales, et tout ça d'ailleurs au fil des années, puisque au fil des expéditions qu'on a pu faire, toutes ces parties-là se sont écroulées, et l'arrière est très très endommagée par rapport à la partie avant. Donc je veux dire, elle a beaucoup plus d'avance dans la détérioration que dans la partie avant. Alors, dans cette exploration de 1987, vous descendez combien de fois? Comment vous organisez? Parce qu'il y a beaucoup de choses à voir sur cette épave. Alors, oui, bon, la première plongée, c'est d'ailleurs pour cette raison que j'étais dans cette plongée-là. J'en étais pas le pilote. Hein, un pilote et un copilote, et moi j'étais le passager qui est la place, si vous voulez, la plus facile, parce que on a tout le temps pour tout regarder. On n'est pas pris par le pilotage ou pris par les problèmes de communication et autres. Mmh. Donc on peut vraiment passer son temps à regarder ce qui se passe. Moi, ce que je voulais voir, si vous voulez, à ce moment-là, c'était surtout si il n'y avait pas trop de courant, parce que j'avais discuté avec les pilotes de l'Alvin qui avait fait l'expédition l'année avant, et il m'avait dit, bon, il y a du courant, donc on n'a pas pu voir telle partie. Nous, on avait un courant qui était à 180 degrés de ce qu'avaient eu les Américains, donc c'était que les conditions étaient très différentes, et on a regardé s'il y avait des endroits qui étaient particulièrement dangereux, etc., pour que tout le monde, tous les pilotes qui descendaient, parce que c'est pas toujours les mêmes qui descendent, on change, il y a en général deux équipes, donc ils plongent un jour sur deux. Il fallait sécuriser. Ils plongeaient avec le sous-marin tous les jours, quoi. D'accord. Écoutez, on a parlé de l'extérieur que vous avez découvert. On parlera tout à l'heure de l'intérieur après avoir écouté Snail Mail, Deep Sea. Deep Sea Dive. Got down, but you stayed alive. It's only down there. Je communique trois données, vous me direz si elles sont tout à fait exactes. Vous avez participé à 6 expéditions de 1987 à 2010, effectué près de 30 plongées et passé à peu près 600 heures à bord du Titanic. C'est bien cela? Oui. Alors, l'intérieur. Très bien. L'intérieur du Titanic. Alors, c'est ce qui nous fascine peut-être encore plus que l'extérieur de, à partir du moment où on a retrouvé l'épave, ok, on a retrouvé l'épave, on a intégré l'idée. Et puis, il y a des gens qui vont dedans. Alors, ça, c'est fascinant. Racontez-moi. Alors, pour l'intérieur, bon, en 87, si vous voulez, on avait un petit engin qui s'appelait le Robin, qui était un peu équivalent à celui des Américains, qui était le Jason Junior. Mais bon, ils avaient été construits rapidement, en même temps, hein, puisqu'on aurait dû faire l'expédition de 86 ensemble. Mais bon, de la même façon que les Américains ont fait quelques photos, comme vous l'avez mentionné, du grand escalier, en descendant, les premiers lampadaires, enfin, etc. Puis ça s'est arrêté là. Nous, en 87, c'était à peu près pareil, parce que, honnêtement, on avait un peu la trouille de perdre ces engins, parce qu'ils n'étaient pas particulièrement au point. Ah ensuite, bon, ils ont été mis au point, c'est-à-dire quand on y est retourné en 93 ou 94, on y est retourné ces deux années-là, mais je me souviens plus quand on a vraiment utilisé le Robin pour aller vraiment à l'intérieur. Et là, si vous voulez, on est allé d'ailleurs par le grand escalier, on a accédé à la salle à manger, Là, il nous est arrivé une histoire assez extraordinaire parce qu'on était dans la grande salle à manger des premières classes où on voyait des poteaux par endroits et puis des petits tas où il y avait des traces des tables probablement où les gens mangeaient, enfin, etc. Donc on est allé un peu jusqu'au fond de cette salle à manger et puis on a voulu ressortir. Et quand on s'est retourné, eh bien, la visibilité est devenue absolument nulle alors qu'elle était très bonne quand on était allé, mais notre cab derrière nous. Racler un peu le plafond, et il y avait des rusticoles, ce qu'on appelle faites par les bactéries qui pendaient partout, et on avait un peu coupé ces, ou fait tomber ça, et on avait perdu la visibilité. Et puis en repartant, on s'est trouvé à un moment donné devant un poteau, on s'est dit mince, quand on est venu, on est passé à droite ou on est passé à gauche. Pas évident, parce que sinon on allait tricoter, si vous voulez, entre les poteaux, et puis coincer le câble, quoi, et plus pouvoir ressortir avec l'engin. Ah oui. Nous, on craignait rien parce qu'on peut couper le câble et puis remonter. Mais enfin, moi, je n'avais pas envie de remonter en disant on a laissé l'engin au fond. Vu le prix, je me serais senti mal, quoi. Donc, il a fallu que, heureusement, dans le sous-marin, on enregistre tout. Donc, on a rejoué les bandes vidéo à l'intérieur du sous-marin pour voir exactement de quel côté on était passé pour chaque poteau et arriver à libérer le câble comme ça. Bon, ça a été une première. Puis après, bon, de temps en temps, on se coinçait, etc. Mais on est quand même arrivé à faire de belles images. De l'ascenseur, de donc toute cette partie-là. Ouais. Et puis l'escalier, vous même. C'était assez, mais on pouvait pas aller vraiment au fond, dans les endroits. Donc c'est Cameron, si vous voulez, quelques années plus tard. Et d'ailleurs, quand je l'avais rencontré, il m'avait montré la première fois. Il m'avait demandé de lui montrer les images. Je lui avais montré les images qu'on avait faites. Il m'a dit bon, c'est bien, etc. Et tout. Et il y est allé. Il m'a montré les images. Il m'a dit bon, alors je vais dire, ben, les images, elles sont fabuleuses. Elles sont de meilleure qualité que les nôtres parce que la technologie avait avancé. Et puis je lui dis, mais alors quand on dit à Cameron, on lui dit, mais il commence à regarder un peu de travers en disant qu'il y a. Et alors je lui ai dit, mais j'ai rien vu que j'avais pas déjà vu. Parce qu'il est allé partout où je lui avais dit qu'on était allé. Alors il m'a dit, ah d'accord, ben je reviendrai. Et alors il est revenu à peu près 2 ans plus tard, quand il a fait le film Les Ghosts of the Abyss, les fantômes de l'épave, là, dont vous avez parlé d'ailleurs. Et là il m'a montré des images. Jusque dans le Turkish Bath, qui est complètement au fond, parce que moi, je l'avais dit, mon rêve, c'est d'aller voir la piscine. Que je voulais voir la piscine, sur une autre épave, j'avais déjà vu une piscine, et c'est assez intéressant de voir une piscine au fond de l'eau, parce qu'elle a l'air vide, alors qu'elle, évidemment, elle est pleine. Ah oui. Mais, donc, j'avais envie de voir ça. Et lui, il a essayé d'aller à la piscine, donc il est passé par les bains turcs, les bains de vapeur, et il a fait des images absolument fabuleuses, mais il n'a pas pu aller dans la piscine, parce que toutes les portes étaient fermées. Voilà. Dites-moi, est-ce qu'on a retrouvé des traces des passagers morts, enfin, sous forme de squelette évidemment? On a retrouvé des restes humains? Alors, pour l'instant, on n'en a jamais retrouvé. Je ne vais pas dire que ce n'est pas possible, parce que je ne sais pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette profondeur-là, dès qu'on passe à peu près 3000 mètres, l'eau devient très acide, dans le monde entier. Ce n'est pas uniquement sur le Titanic. Donc, on a un pH de l'eau qui est très acide. Ah, le fameux pH. On a fait des analyses de l'eau, mais également de l'analyse du sédiment. Et le sédiment autour du Titanic est à 4. Le pH neutre, c'est 7. Donc 4, c'est très acide. C'est-à-dire que toutes les matières organiques disparaissent très rapidement. Alors, je ne peux pas dire qu'à l'intérieur, dans des pièces, il n'y ait pas des gens qui aient été bloqués. D'ailleurs, c'est un nombre de personnes qui est, à mon avis, relativement faible, parce que bon, quand un bateau coule, tous les gens qui le peuvent, ils vont plutôt à l'extérieur du bateau avec leur brassière de sauvetage plutôt que coincés à l'intérieur. Bon, il y en a qui ont pu être coincés, si vous voulez, mais les autres, bon. Donc pour l'instant, on n'en a pas retrouvé. Probablement pas. D'accord. Non, on n'en a jamais retrouvé pour l'instant. Maintenant, si jamais on en retrouvait, et on prendrait toutes les précautions qu'il faut pour ne pas toucher, etc., etc., aller ailleurs, enfin, etc. Mais bon, pour l'instant, on n'a jamais rien vu, même pas des restes de. Parce que bon, dans les frigos, il y avait des il y avait de la viande, il y avait des tas de choses. Si vous voulez, on n'a jamais retrouvé aucun os, rien du tout. Merci, Paul-Henri Narjolais. C'est un petit peu brutal, comme ça. Je suis vraiment désolé. On aurait pu continuer à parler de ces découvertes passionnantes. En tout cas, merci pour votre témoignage. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Et Affaires Sensibles aujourd'hui, l'épave du Titanic, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr, bien sûr. Merci à Serge Viguier qui était à la technique aujourd'hui. Et puisque nous sommes vendredi, j'en profite pour remercier toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Stéphanie Fromentin, Héloïse Daviau, Romain Weber, Adrien Cara et Gabriel Debray. Attaché de production, Rebecca de Nantes. Programmation musicale, Muriel Perez. Coordination, Christophe Barrère. Réalisation, Hélène Bizio, Marion Le Lecoy, Nguyen, Benjamin Riquet et David Jacobovriens.